21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL 89.1. Bienvenue à notre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Web Musique, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui se spécialise dans la musique qui est en téléchargement gratuit. Donc, l'émission couvre la scène Net Audio. Toutes les artistes et les pièces entendues à l'émission, c'est possible de télécharger les pièces de façon gratuite. Gratuite et légale, c'est important de le préciser. Donc, s'il y a des pièces qui vous intéressent, vous allez sur le site de Web Musique. C'est situé au www.webmusique.ca. Vous allez donc sur le site, vous consultez la playlist, vous trouvez la pièce qui vous intéresse, vous la téléchargez et après ça, vous pouvez la partager avec vos amis, vos collègues, etc. Donc, toutes les pièces sont pour là. Donc, je vous encourage de les partager. C'est assez important. Cette semaine, on va avoir un peu de dub, donc on débute l'émission avec une compilation qui a été publiée sur Fresh Pulp Records. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, cette compilation-là. La compilation s'intitule donc Dub Tentacles Volume 4. Je vous fais passer deux pièces tout de suite en début d'émission. On va débuter avec une pièce de Defaced, donc qui a remixé une pièce de Dubmatix. La pièce s'intitule Fistful of Dub. Puis ensuite de ça, c'est Phony and Floor. On va entendre la pièce Speed Up. Vous allez voir deux pièces excellentes pour débuter l'émission. We'll be right back.

C'était Fonny and Flore avec la pièce Speed Up. C'était précédé par l'artiste dijonnais Defaced qui faisait un remix de Dubmatix, la pièce Fistful of Dub. Donc, deux pièces qui sont sur l'album Dub Tentacles Volume 4. C'est une compilation de l'étiquette française Fresh Pulp Records. Pour la suite de Web Music, on va entendre quelque chose de publié sur l'étiquette, cette fois-ci French Dub Released. C'est Monsieur Moutarde, un artiste parisien. C'est tiré de son album La Dérive des Condiments. Donc, on voit qu'il y a la suite dans les idées. Je vais vous faire entendre la pièce All Ancienne. Ensuite de ça, c'est Max Tadon, qui a fait un projet intitulé Moss Dub. C'est Moss Def, mais version Dub. Je vous fais donc entendre la pièce In My Mouth. Vous allez voir, vraiment, vraiment habile comme pièce. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Monsieur Moutarde à Web Music. Yeah. Check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven from a mess of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable temp. The universe expands left, the body of my tags possess extra strength, power lifted powerless up out of this towering inferno, flying so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway at Myrtle. Hip hop passed all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring, say evacuate to sleep, it's dangerous to dream, but your chain cats get they chop, you dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. Some numbers ain't, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, with only 15% of profits ever seen my pockets, like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear, like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they get sticky rolls on the crack. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing it, you no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black, cause you in the terror zone, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young girls can't spell, but they can rock you at PlayStation. This new map is whipping motherfuckers ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's a mathematics. While I must take love and make good friends. It's simple mathematics. It's simple mathematics. Yo, it's one universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly thrills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? He on the hill pumping thrills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break man, China, women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics. It's simple mathematics. It's simple mathematics. Une pièce produite par Max Tadon, donc c'est son projet Mos Dub. C'est la pièce In My Math. C'était donc une reprise de Mos Def brassée avec un peu de dub, donc vraiment efficace. Avant ça, de Paris, c'était Monsieur Moutarde avec la pièce Al Ancienne. Donc c'était sur son album La Dérive des Continents, des Condiments plutôt. C'était ça sur l'étiquette French Dub Released. On va poursuivre avec Dub Normal. La pièce s'intitule Long Walk. Dub Normal qui nous vient de Budapest en Hongrie. C'est publié sur l'étiquette LCL Net Label, ou si vous préférez, Libre comme l'air. Donc ça va être suivi par Eggbox, lui qui est publié sur Aldente Records. Je vous fais passer la pièce Full Ass de Eggbox. Donc c'est tout de suite après Dub Normal qu'on écoute tout de suite à Web Music. Thank you. me. Nowhere on earth but the sea, Sarah, we will meet tomorrow. Take a long walk with me. Nowhere on earth but the sea, Sarah.

Vive les phonographes avec leur son complètement crotté. Donc, c'était The Fucked Up Beat. Je vais vous épargner le titre de la pièce parce qu'il est à peu près 2 km de long. C'est tiré de l'album Trinities for Schizophrenic Seas. C'est publié donc sur l'étiquette Haze Net Label. Allez télécharger, c'est un album vraiment envoûtant. On va poursuivre donc avec deux artistes qui sont publiés sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Vous en entendez souvent à l'émission. Donc, toujours excellent ce que Dusted Wax Kingdom a à nous offrir. Donc, toujours au moins un album nouveau par semaine. Donc, on va débuter tout de suite avec Vintage Beats. La pièce s'intitule No Tax. Ensuite de ça, c'est Sands avec la pièce Nine Lives. Donc, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Beware, beware, beware, beware. Cette pièce-là m'a vraiment fait rire cette semaine. Donc, c'est Sands avec donc sa pièce Nine Lives, Sands qui nous vient du Minnesota. Avant ça, c'était Vintage Beats avec sa pièce No Tax. Donc, deux artistes qui sont publiés sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. On va écouter cette fois-ci Iris H avec la pièce Birding Letter. C'est donc publié sur VRKS. C'était Iris H à Web Music avec la pièce Birding Leather. C'était publié donc sur l'étiquette VRKS. Ça va déjà être tout pour Web Music. Restez à l'écoute. Tout de suite après, c'est la croche-oreille avec Jean-Pierre Gay et Ariane Plante. Émission live cette semaine. D'habitude, c'est une émission pré-enregistrée. Mais ils se sont déplacés cette semaine en studio. Donc, on est bien content de les avoir parmi nous. On va donc écouter une pièce de Sonny Call pour terminer. La pièce s'intitule The Avenger. C'est donc publié sur Planetex Records. Puis, si un peu de temps, je vais vous faire passer une pièce de Kedan Evil et Datsuke Tanabe, la pièce SG Step. Donc, une pièce qui me hante de ce temps-ci. Donc, c'est ça. C'était tout pour Webmusic. Rendez-vous au www.webmusic.ca pour donc consulter la playlist et télécharger les pièces entendues à l'émission. Donc, c'est ça. On se quitte avec Sonny Call, la pièce The Avenger. Yeah.